Troisième jour. La route des crêtes, relief en fête, tout dans la tête, et les gambettes. En bicyclette, dans les rimpettes, faut que je sois maître, des kilomètres. Quatrième jour. Partage en Suisse, en plein délice. Belle esquisse, libératrice. Et on se hisse, chercher les cuisses. Pour deux services, t'as des génisses. Paris, Alsace, Jura, Savoie. Paris, audace, dur à voir. Paris, Alsace, Jura, Savoie. J'parie que là, sera savoir. Cinquième jour, la cloche du champ. Près de notre camp, un peu brûlant, c'est hilarant. Chauffe un copain, jusqu'au léman. Mais c'est maintenant qu'on est confiant. Partie de Xalza, jure à sa voix. J'parie que ça passe, tu feras savoir.